Les pantalons que deux jeunes délits. Pour marcher d'un tel pas, on a peine à me suivre. Laissez, ma brûle, laissez, ne venez pas plus loin. Ce sont de toute façon dont je n'ai pas besoin. Et ce que l'on nous doit envers vous, notre équipe. Mais ma mère, d'où vient que vous sortez chez lui? Et que je ne puis voir tout ce ménage-ci. Et que de me complaire, on ne prend nul souci. Oui, je sors de chez vous, femme mal éduquée. Dans toute maison du site contrarié, on n'y respecte rien, chacun y parle haut. Et c'est tout justement la cour du roi Pitot. Si vous êtes mamie, une fille suivante un peu trop forte en gueule et forte impertinente, vous vous mêlez surtout de dire votre avis. Mais vous êtes un sot, un prêtre, mon fils. C'est moi qui vous le dis, je suis votre grand-mère. Hey, j'ai prédit 100 fois à mon fils, votre père, que vous preniez tout l'air d'un méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Je crois. Mon Dieu, sa sœur, vous faites indiscret et vous n'y touchez pas, tant vous en faites vous êtes. Mais il n'est, comme on dit, pire haut que l'eau qui dort et vous menez tout ça en train que je vais pas. Mais, ma mère. Ma brute, qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux et leur défaçonner. On vous aime beaucoup mieux. Vous êtes dépensière et c'était à meublesse que vous aviez vécu. C'est une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma brute, n'a pas besoin de tant d'ajustements. Mais madame, après tout. Pour votre monsieur son père, je vous estime fort. Vous êtes et vous révère. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer pas chez nous. Sans cesse vous prêcher des maximes de vivre, qui pardonnez gens ne vous doivent pas suivre. Je vous parle un peu franc, mais c'est là mon humeur. Et je ne mâche pas ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans vous. C'est un homme de bien. Il faut que l'on écoute. Et je puis ouvrir, sans me mettre en courroux, de le voir quereller par un fou comme vous. Quoi? Je souffrirai, moi, qu'un cagot de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique? Et que nous ne puissions à rien nous divertir si ce bon monsieur-là n'y daigne consentir. Il faut écouter, croire à ses maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes. Car il contrôle tout ce critique. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devrez tout servir. Non, voyez-vous, ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à lui vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ses façons de faire, à tout coup, je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelques grands éclats. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'un inconnu, si on s'apatronise, qu'un gueux qui, quand il va ne pas de souliers, qu'il faut l'habiller entier, il va les bien soutenir, on vient jusque-là pour se méconnaître, de contrarier tout et de faire le même. Et merci de ma vie. Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Pas pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. À lui non plus qu'à son Laurent. Je ne me fierai moi que sur un bon gars. J'ignore ce qu'au fond le serviteur peut être. Et pour homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal et ne le rebutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se corrompt. Et l'intérêt du ciel est tout ce qu'il pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il souffrir qu'aucun hante océan? En quoi blesse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rompre la tête? Veut-on que là-dessus je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma faute, Jeanne. Taisez-vous! Et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme. Vous ne saurez pas qui suit les gens que vous hantez. C'est Carrosse, sans cesse à la porte plantée, et de tant de laquais le brillant assemblage, sont un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire, au fond, il ne se passe rien, mais enfin on en parle. Et cela n'est pas bien. Voulez-vous, madame, empêcher qu'on le cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose si pour les sots discours où l'on peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même on pourrait se résoudre à le faire. Croiriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots caquets, n'ayons donc nul égard. Et forçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Sortez votre voisine et son petit époux. Ne serait-il point ceux qui parlent mal de nous? Ceux de qui la conduite en prend le plus à rire sont toujours sur autrui les premiers à l'église. Il ne manque jamais de saisir franchement l'apparente lueur du moindre attachement, d'en semer la nouvelle avec beaucoup de joie et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croit. Des actions d'autrui teintes de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs et sous le faux espoir de quelques ressemblances aux intrigues qu'ils ont donné de l'innocence ou faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont transarmés. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On s'égorge, même une vie exemplaire, tous ces soins vont au ciel. Et j'ai su, par des gens, qu'elle condamne fort le train qui vient séance. L'exemple est admirable et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit en n'offre personne. Mais là, tant son âme a mis ce zèle ardent, et l'on sait qu'elle est brute, à son corps défendant, tant qu'elle a pu le cœur attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais, voyant de ses yeux tous les brillants baisers, au monde qui la quitte, elle veut renoncer, et du voile pompeux d'une haute sagesse, de ses attraits usés déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il leur est dur de voir déserter les galants. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier, le prude. Mais la sévérité de ces femmes de bien sont sur toute chose et ne pardonnent rien. Hautement, dans chacun, elles blâment la vie. Non point par charité, mais par un trait d'envie qui ne saurait souffrir qu'une autre et les plaisirs dont le penchant de l'âge assevrait leur désir. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire, ma brute. On est chez vous contrainte de se taire, car madame a jasé, tient le dé toujours. Mais enfin, je fais ta discourir. À mon tour, je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage que le ciel, au besoin, la séance envoyée pour redresser à tous votre esprit pourvoyé, que pour votre salut, vous le devez entendre et qu'il ne reprend rien qui ne soit à reprendre. Ces visites, ces bains, ces conversations sont du malin esprit, toutes inventions. Là, jamais on entend de pieuses paroles, ce sont propos oisifs, chansons et paripoles. Bien souvent, le prochain en a sa bonne part. Et l'on y sait médire, éduquer, éducar. Enfin, les gens sensés ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées. Mille caquets divers s'y font en moins de rien. Comme le toujours, à notre père vivant bien, c'est véritablement la tour de Babylone. Car chaque nuit babille est tout de long de l'aude. Et pour conter l'histoire de ce point langageable. Voilà, c'est pas monsieur qui récame déjà. Allez chercher vos fous qui vous donnent à rire. Et toi? Adieu, ma brute. Je ne vais plus rien dire. Sachez que pour séance, j'en rabats de moitié. Et qu'il fera bon temps quand j'y mettrai le pied. Alors, vous rêvez, voyez au panel, je te jure, je saurai vous prenez les oreilles. Marchons bon, marchons. De peur qu'elle ne vienne encore me quereller, que cette bonne femme. Ah, certes, c'est dommage qu'elle ne vous puisse tenir en tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'est pas d'âge à lui donner ce nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer et que de son tartuffe elle paraît coiffée. Ah, vraiment, tout ça n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pis. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété, depuis que le Tartuffe en doit entêter. Il l'appelle son frère, et l'aime dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident, et de ses actions le directeur prudent. Il le choisit, il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table, au plus haut bout, il veut qu'il soit assis. Avec joie, il l'y voit manger, autant que si. Les bons morceaux de tout, il faut qu'on les lui cède. Et s'il vient à rôter, il lui dit « Je vous aide ». Enfin, il en est. C'est son tout, son héros, il l'admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui, il connaît sa dupe. Et il veut en jouir, par son dehors fardé, à l'art de l'éblouir. Son cagotisme en tire à toute heure des sommes. Et il prend droit de gloser sur tous, tant que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fat qui lui sert de garçon, qui ne se mêle aussi de nous faire le son. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches, et jeter nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le prêtre, l'autre jour, nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur d'essaim, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté. Les parures du diable. Vous êtes bien heureux de n'être point venu au discours qu'à la porte elle nous a tenu. Mais j'ai vu mon mari. Comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Moi, je l'attends ici, pour moins d'amusement. Et je vais lui donner le bonjour seulement. De lui-même, de ma sœur, touchez-lui quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe à son effet s'oppose, qu'il oblige mon père à des détours si grands. Et vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si même ardeur enflamme ma sœur et Valère, la sœur de cet ami, vous le savez, mes chers. Et s'il fallait... Non. Ah, mon frère. Bonjour.

Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de la main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Croire que le mari que j'ai su vous élire que ne te parles-tu? Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. Certes, petit guettet. Quelque sorte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer l'obéissance et montrer pour mon choix entière déférence. Je me manquerai fort de prendre un tel époux. Vous avez là, ma fille, une peste avec vous, avec qui sont péchés, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents m'ont mis l'esprit en feu. Et je vais prendre l'air pour me rasseoir. La parole? Et faut-il qu'en ceci je fasse votre rôle? Souffrir qu'on vous propose un projet insensé sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé? Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut pour parer une telle menace. Quoi? Et lui dire qu'un cœur n'est point par autrui. Que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant celle pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son tartuffe est pour lui si charmant, il le peut épouser sans nul empêchement. Un père, je l'avoue, assure nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Mais raisonnons. Valère, n'avez pour vous d'être pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Oh, qu'envers mon amour, ton injustice est grande, Dorine. Me dois-tu faire cette demande? Ai-je pas là-dessus ouvert cent fois mon cœur? Et sais-tu pas pour lui jusqu'où va mon ardeur? Je sais, je suis le cœur à parler par la bouche, et si c'est tout bon, que cet amant vous touche. Tu me fais un grand tort, Dorine, d'en douter. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin, vous l'aimez donc? Oui, d'une ardeur extrême. Et selon l'apparence, il vous aime de même. Je le crois. Et tous deux brûlez également de vous voir mariés ensemble. Assurément. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? Vous me donnez la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède, sans doute, est merveilleux. J'en rage lorsque j'entends ces sortes de langages. Mon Dieu, Dorine, de quelle humeur tu te rends? Tu ne combattis pas tous les plaisirs des je gens. Je ne combattis pas ta vie des sarnettes. Et dans l'occasion, molle comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans un cœur veut de la fermeté. Mais n'en gardez pas pour les feux de Valère, n'est-ce pas d'avis de maintenir d'affaires? Mais quoi, si votre père est un bourru piété, qui sait, de son tartuffe entièrement coiffé, manque à l'union qu'il avait arrêtée. La faute à votre amant doit-elle être imputée? Mais par un refus et d'éclatant mépris, ferais-je dans mon choix de ma chère protectrice? Sortirais-je pour lui quelque éclat dans ses brilles? De la pudeur du sexe et du devoir de fille? Et veux-tu que mes feux par le mot du salé? Non, non, je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à monsieur Tartuffe. Et j'aurais quasiment tort de vous détourner d'une telle amante. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, oh oh, les certains qu'on propose. Certes, monsieur Tartuffe va bien prendre la chose, et pas un homme, non. Il se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sans boîtier. Tout le monde déjà de boire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne. Il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous serez trop contente avec un tel mari. Mon Dieu, quelle allégresse aurez-vous dans votre âme? Quand d'un époux si beau, vous vous verrez la face. Oh, cesse, je te prie, un semblable discours est contre cette humaine. Ouvre-moi du secours. Sans les faits, je me rends et suis prête à tout faire. Non, il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulut-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville quand oncles et cousins vous trouveraient fertile. Et vous vous plairez fort à les entretenir. D'abord, chez le beau monde, on vous fera vivre. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame Lavaille. Et Madame Lille, qui d'un siège pliant vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir deux musettes, des parfois fagotins et les marionnettes. Si pourtant votre époux. Oh, tu me fais mourir. Ne te conseille plutôt, songe à me secourir. Je suis votre servante. Mais Dorine, de grâce. Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non. Si mes voeux déclarés. Un tartuffe est votre homme et vous entraterez. Tu sais qu'à toi toujours je me suis confiée. Fais-moi. Non. Vous serez, ma foi, tartuffiée. Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur empruntera de l'aide

et cela ne doit pas retenir votre cœur. Des arrêts du ciel, on nous fait tant de peur. Je puis vous dissiper ces craintes ridicules, madame, et je sais l'art de lever les scrupules. Le ciel défend de vrais certains contentements, mais on trouve avec lui des accommodements. Selon divers besoins, il est une science d'étendre les liens de notre conscience et de rectifier le mal de l'action avec la pureté de notre intention. De ces secrets, madame, on saura vous instruire. Vous n'avez seulement qu'à vous laisser conduire. Contentez mon désir. Et n'ayez point d'effroi, je vous réponds de tout. Et prends le mal sur moi. Vous touchez fort, madame. Vous plaît-il un morceau de ce jus de réglisse? C'est un rhume obstiné, sans doute. Et je vois bien que tous les jus du monde ici ne feront rien. Ça sert tes pâches. Oui, plus qu'on peut dire. Enfin, votre scrupule est facile à détruire. Vous êtes assuré ici d'un plein secret. Et le mal n'est jamais que dans l'éclat qu'on veut. Le scandale du monde est ce qui fait l'offense. Et ce n'est pas péché que pécher en silence. Enfin, je vois qu'il faut se résoudre à céder. Qu'il faut que je consente à vous accorder. Et qu'à moins de cela, je ne dois point prétendre qu'on puisse être content. Et qu'on veuille se rendre. Sans doute, il est fâcheux d'en venir jusque-là. Et c'est bien malgré moi que je franchis cela. Mais puisque l'on s'obstine à m'y vouloir réduire, puisqu'on ne veut point croire à tout ce qu'on veut dire, et qu'on veut des témoins qui soient plus convaincants, il faut bien s'y résoudre et contenter les gens. Si ce contentement porte en soi quelque offense, tant pis, pour qui me force à cette violence. La faute assurément ne doit point être moi. Oui, madame, on s'en charge. Et la chose de soi. Ouvrez un peu la porte. Et voyez-je, mon mari n'est pas dans cette galerie. Qu'est-il besoin pour lui du soin que vous prenez? C'est un homme, entre nous, amené par le nez. De tous nos entretiens, il est pour faire gloire et je n'ai mis au point de voir tout sans rien croire. Il importe, sortons. Je vous prie un moment, il partout là-dehors. Voyez exactement. Voilà, je vous l'avoue, un abominable homme. Je n'en puis revenir et tout ceci m'assomme. Quoi? Vous sortez si tôt? Vous vous moquez des gens, rentrez tout à fait. Il n'est pas encore temps, attendez jusqu'au bout pour voir des choses sûres. Et ne moquez point d'un simple convaincu. Non. Rien de plus méchant, mais sorti de l'enfer. J'en ne dois pas croire trop de léger. Laissez-vous bien convaincre avant que de vous rendre. Et ne vous hâtez pas, de peur de vous méprendre. Tout conspire, madame, à mon contentement. J'ai visité de l'œil tout cet appartement, personne ne s'y trouve. Et mon âme ravie. Vous fuyez dont votre amoureuse envie. Et vous ne devez pas vous en passionner. Ah ah! L'homme de bien! Comment vous l'y donner? Comme aux tentations s'abandonne votre âme. Vous épousiez ma fille et convoitiez ma femme. J'ai douté trop longtemps que ce fût tout bon. Et je croyais toujours qu'on changerait de ton. Mais c'est à ces avant-poussées le témoignage. Je m'y tiens. Et n'en fais pour moi pas davantage. C'est contre mon humeur que j'ai fait tout ceci. Mais on m'a mis au point de vous traiter ainsi. Quoi? Vous croyez? Allons! Point de bruit, je vous prie. Dénichons en chiant. Et sans cérémonie. Mon dessein. Ces discours ne sont plus de saison. Il faut tout sur le champ sortir de la maison. C'est à vous d'en sortir. Vous qui parlez en maître